période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Monsieur Jacqueline Doucet, planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant de courtiers en épargne collective, inscrit auprès de Mika Capital Incorporé, et toute son équipe vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour nous rejoindre, composez le 88-276-6170. Bonjour, ici Léon-Paul Darvaux, président du conseil d'administration de la SADC Maria-Chapdelaine. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration et du personnel de la SADC, une heureuse période des fêtes et que la nouvelle année soit des plus prospères pour notre collectivité. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbeau Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. De hockey mineur avec notre ami Hugo Maltais. Salut Hugo! Hugo, on va parler d'abord du côté du hockey mineur en général, parce que c'est la dernière chronique. Il n'y aura pas de chronique dans le temps des fêtes du hockey mineur de Robert Lard. C'est compréhensible, les activités sont arrêtées. Donc, qu'est-ce qu'on peut mentionner? Peut-être que le fonctionnement de vos équipes? Oui, bien c'est ça. En fin de semaine, là, c'est les dernières... C'est la dernière fin de semaine d'activité là, pour toutes les ligues, okay. Que ce soit double lettre de compétition ou de simple lettre. Ça fonctionne déjà sur un horaire, je te dirais, un peu au ralenti. Là. Pour la majorité des équipes, ils vont jouer seulement qu'une partie en fin de semaine, donc soit samedi là, le 19 ou dimanche le 20. Dans le double lettre, la même affaire. Là, mon Atome 2C va jouer qu'une partie dimanche le 20, donc on est déjà là, en réduction. En vue là, d'une trêve là, qui va commencer à partir de lundi, donc lundi le 21, jusqu'à samedi le 2. Okay. Donc les ligues déjà, en tout cas, les ligues recommencent déjà dimanche le 3 janvier. Oh, c'est de bonheur ça? Oui, c'est de bonheur. Là. Donc les ligues là, dans l'Atome double lettre, puis dans le Pee-wee double lettre et Bantam, donc même affaire dans le simple lettre, donc les équipes vont commencer déjà là, le 3 janvier. C'est tôt, puis on s'entend là, que la plupart des équipes, nous, à Robertval, ben, ont congé entre Noël et le jour de l'an. Puis, ben, le 1 et le 2, évidemment, là, par des congés là, de la ville, l'aréna est terminée, donc on va recommencer là, dimanche le 3. C'est la même affaire, regarde, là, on dit ça, c'est de bonheur. Le tournoi Atome, cette année, ben, il est du 3 janvier. Si je prends le double lettre, là, mon équipe va au tournoi de Chicoutimi, puis il commence le tournoi dimanche le 3 janvier. Donc, oui, cette année, c'est très tôt. Des reprises des activités. Donc, c'est pour ça là, qu'on fait relâche à partir de lundi de cette semaine, okay. Pour deux semaines, à peu près. OK, OK. Mais es-tu satisfait quand même du rendement de tes équipes? Dans l'ensemble, je suis très satisfait. OK. Je suis très satisfait du rendement de mes équipes. Je veux dire, je pense qu'il y a dans des catégories en particulier où est-ce qu'au départ, c'était pas facile. On n'avait pas là. On partait de loin. C'est autant dans le A que dans le B. Puis j'ai des belles progressions. Donc au début, là, il y a des équipes là, qui perdaient des affaires comme 8-0 puis 9-0. En fin de semaine dernière, là, ils ont annulé 3-3, ils ont perdu 5-3. Ils sont rendus qu'ils perdent 2-1. Donc je pense que là-dessus, là, autant les jeunes que les bénévoles qui sont là font en tout cas tout ce qu'ils peuvent, mais ils font une maudite belle job. On est bien satisfait là, de la performance là, en général de nos équipes. Là. C'est quand même là, une belle saison. J'ai mon PWB la semaine dernière qui est géré qui est entraîné par deux jeunes de Mastoyage. Okay. Ils n'ont pas d'enfants là-dedans. C'est deux jeunes de 20 ans qui ont pris cette équipe-là à aider là, de deux adultes. Là. Mais c'est des jeunes qui ont pris ça en chef. Puis ils ont gagné le tournoi la semaine dernière à Métabet-Chomane. Donc, non, on est bien satisfait là, du travail là, de l'ensemble des bénévoles là, pour l'hockey mineur. OK. On va parler d'un dossier que moi, en tout cas, pour le novice, je suis d'accord. Je suis pas d'accord pour le hockey mineur en général, mais pour le novice, oui, je suis d'accord avec ça. Vous allez enlever les statistiques. C'est sûr que... écoute, moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça me comparer. Puis j'aimais ça marquer des buts, puis ainsi de suite. Puis c'était le fun. Mais là, vous allez... C'est sûr qu'au côté du côté novice, c'est peut-être un petit peu exagéré d'y aller avec des statistiques, là. Mais j'espère que ça ira pas plus loin. Ouais, ben c'est ça. On a fait la recommandation qui est venue. Bon, on a accepté la recommandation d'Hockey Saint-Lac-Saint-Jean là, qui voulait mettre de façon effective, immédiate. Okay. Donc, on voulait là, mettre ça en application au niveau du novice parce que là, les novices là, sont déjà un peu crinqués les parents sur le phénomène des statistiques. Là, c'est des buts, c'est des passes, puis la problématique, ben les gens qui tiennent les statistiques, là, si je prends M. Maton dans le simple lettre, autant à partir de l'atome, c'est M. Michel Garneau de Dolbeau qui s'occupe de ça. Les parents appellent à la mère pour dire, ben là, sur ce but-là, il manque une passe. Cette affaire-là, il manque un but, c'est pas lui. C'est pas le 64 qui a compté, le chiffre est mal fait, c'est 68. Donc là, ça devient qu'à un moment donné, là, on trouve que l'emphase, on va commencer par la base. Puis je suis d'accord avec toi, là. Atome, parce que puis oui, Bantam Midget, c'est tel que tel. Mais dans le novice, de toute manière, c'est souvent juste les parents qui vont se glorifier de tout ça, que les enfants, là, l'utilisation... C'est complètement ridicule. C'est fait en fonction des buts et des passes. Donc là, pour enlever une pression sur tout le monde, là, puis enlever une pression sur le jeune aussi, là, qu'il y a un que deux buts, puis l'autre, il en a huit, donc l'autre est bien meilleur que toi, puis... Fait que... Revenir à la base du hockey dans le novice, que c'est qu'on joue au hockey pour s'amuser à la base. Mm. Puis il n'y a personne encore qui est Sidney Crosby dans le novice encore. Donc, commençons donc par la base. Le hockey, c'est un jeu de s'amuser. Fait qu'on on a accepté cette recommandation-là qui était de faire en sorte qu'on enlève les statistiques dans le novice, autant dans le novice A que dans le novice B, à la grandeur du Saint-Lac-Saint-Jean, pour mettre cette emphase-là sur, justement, le phénomène là, de participation. Donc, à partir d'en fin de semaine, et surtout probablement à partir de 2016, là, mais à partir d'en fin de semaine, les statistiques ne seront plus tenues sur les sites de publication sport. Tu vas avoir les équipes... Ça, c'est correct. On n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, à la fin, ben, y a la ronde des champions, puis un petit classement, ça, c'est correct, mais... C'est un sport collectif, donc, de mettre ton équipe dans un rang avec des victoires, des défaites, dans un sport collectif, c'est correct. Mais on va enlever le côté là, individu là, du sport, qui fait que là, il y en a un qui a 52 buts, puis l'autre a 38 buts, puis là, ça finit plus. Puis là, c'est un crêpage de chignon avec les parents, puis qu'ils en deviennent... Il y en a-t-il pas mal, Hugo, par équipe, ou c'est vraiment un cas... c'est un cas par équipe? Ben, moi, je te dirais que t'en as... T'en as bien un par équipe. Si, en tout cas, il n'en fait pas la promotion, il fait lui-même. Là, OK. De se glorifier, puis de ci, puis de ça. C'est pas tous les parents. Ah non. Il y en a peut-être un par hockey mineur ou un par ligue, vraiment, qui capote là-dessus, puis qui se glorifie. Pis, mais c'est sûr que c'est clair que demain... c'est clair que là, il y a des parents qui... Tout là, vont voir ça, puis là, ils mettent, puis c'est malsain, ils mettent ça au flot. Ben là, t'as rien que 6 buts de compter, puis nénéné, puis il faudrait que t'en comptes plus. Là, le flot, ben, il est novice, puis il y a devant de la pression, parce qu'il est troisième scoreur de son équipe avec 6 buts. Là. Ben là, t'as pas à mettre de la pression de même, c'est novice. Mais non. Fait qu'on on en revient là-dessus, puis regarde, on va appliquer là, une recommandation, même nous autres ici à Robertval-Saint-Félicien. Une nouvelle application qu'on devra faire en janvier, les mags, les pré-novices. Okay. Donc nous, on les faisait jouer sur des grandes patinoires. Puis à partir de janvier, on va les mettre sur des demi-glaces. Okay. Donc, à Hockey Québec, là, donc c'est trop grand. Puis là, les jeunes ne s'amusent pas parce que le bon, lui, c'est pas pire, là. Ils patinent à la grandeur, puis de la patinoire, puis ça va bien, mais ceux qui ont plus de difficultés, ben ils touchent pas à rondelles. Donc, pour faire en sorte que les jeunes touchent davantage aux rondelles, on va réduire, pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils touchent à la rondelle, vraiment le phénomène, on va réduire les glaces à des demi-patinoires, puis plus de gardiens, en tout cas dans les magues, les petits débutants, plus de gardiens de but. Donc vraiment que tout le monde revienne à l'essence du hockey, là, qui est de s'amuser, de patiner, de toucher à rondelle. Donc, ça va être applicable là, en janvier 2020. OK. Bien vite, c'est là ce qui est nouveau cette année, les statistiques avancées. On va-tu avoir ça dans le hockey mineur aussi, tant qu'à y être, là? Y a-tu des parents qui vont tenir des statistiques avancées? Non, mais tant qu'à être niaiseux, on va l'être comme il faut, là. On va l'être comme il faut, mais il y en a, tu sais, je veux dire, t'as des parents qui calculent le temps, t'as des parents qui ont le cartable, puis ont les buts, les passes, hey, ils savent qu'à toutes les games, puis ils vont vérifier justement, ils vont faire combiner ça avec l'éducation au sport, ils vont pour voir que dans leurs statistiques à eux autres, à la maison, ben ils devraient avoir 3 passes de plus, puis écoute, c'est tu feras un appel téléphonique à Michel Garneau, puis il va te dire, écoute, c'est à toutes les semaines, il doit en avoir un parent qui appelle pour voir comment ça se fait que la passe n'est pas rentrée, puis de but, puis... Fait qu'à un moment donné, c'est ça, ça devient un peu trop maladif, là, ben... Faut prendre des mesures... c'est correct. Draconiennes, mais des mesures... Est-ce que dans la population, ça a été... est-ce que dans les parents, parce que souvent les parents, est-ce que ça a été favorablement accueilli? Ou tu sais pas? On n'en a pas encore fait nécessairement la promotion, fait que je ne sais pas encore. Okay. Mais regarde, c'est sûr que je viens d'entendre parler... par le parent, lui, qui capote ses statistiques, il va me dire comment ça se fait que ça n'existe plus, puis comment ça se fait que si, puis regarde, ça s'explique, là, pour enlever ce phénomène à tout prix de compétition, puis de gagner, puis de compétition, c'est bon, la compétition. Ouais. Ben, à cet âge-là aussi, ça peut devenir malsain, puis ça peut faire en sorte que les jeunes arrêtent de jouer au hockey, parce qu'il n'y a plus de plaisir. Hugo, un gros merci. On va souhaiter joyeux Noël et bonne année. On se reparle tout de suite en 2005, vu que ça commence le 3 janvier. Ben, c'est sûr que on va avoir l'occasion de se reparler. Fait que on sera là encore en 2016. Oui, on sera là en 2016. Je te souhaite des joyeuses fêtes. OK, bon, voilà, c'était le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Maltais.